2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh là là, c'est fou le nombre de filles qui sont seules et si peu habillées sur le bord de la route. Ah salut, je viens de partir de Narbonne et je vais à Béziers en passant par Coursan et Nissan. Et franchement, j'hallucine du nombre de filles qui sont là, comme ça, là. Remarque, c'est vraiment bien, je trouve, de retrouver les vraies valeurs, de faire communion avec la nature, de retrouver la sensation de l'air sous ses pieds, de sentir la bise fraîche caresser son visage dans la brume matinale. Ouais, ouais, vraiment, elles ont raison, mais quand même, hein. Il y a beaucoup de voitures qui passent sur la route, là, et puis ils passent vite, c'est à moitié dangereux, quand même, hein. Et puis franchement, elles sont pas très bien vêtues, elles vont attraper froid. Ah, mais je pense, ça se trouve, le bus est en panne et elles font du stop. Bonjour, vous allez où? Ah, la merde, elle est pas française. Mais qu'est-ce que... Oh, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, ça doit être son père, il a pas l'air commode, moi je me barre. Oh putain, elle s'est pris une claque, la pauvre. Moi, tu m'étonnes, elle va attraper froid. Ah, voilà Béziers. Qu'est-ce qu'ils disent? Béziers plus propre, Béziers plus sain, Béziers sans prostitution. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas normal qu'en 2015, on a encore des endroits où des gourgandines, des grues, des catins, des gigolettes puissent encore ouvrir leurs cuisses impunément pour leur plaisir et rouler sur l'or avec le fruit de leur libertinage indécent.